fait son chemin, mais aujourd'hui toi tu me dis qu'on aurait dû essayer d'éveiller les sentiments d'avant. Pourquoi ne pas les laisser dormir, pas comme si de rien n'était. Chacun d'entre nous a fait son chemin, mais aujourd'hui toi tu me dis qu'on aurait dû essayer d'éveiller les sentiments d'avant. Pourquoi ne pas les laisser dormir, pas comme si de rien n'était. On aurait peut-être dû essayer, on aurait dû Forcément, un d'entre nous devra payer. Yeah. On aurait sûrement dû essayer. Forcément, un d'entre nous devra saigner. Yeah. En vrai, c'est mieux de laisser au passé ce qui est au passé. Le fait de se revoir nous a dépassés.